Hey, c'est quoi? C'est un site, y'a beaucoup trop de monde qui talk shit. La plupart des gens qui parlent savent pas ce qu'ils disent, c'est ça le pire. Ils parlent, ils parlent. Sans arrêt, à journée longue comme des bitches. Mais ça sert à rien. Quand on critique, il faut des arguments. Sinon, ça vaut rien. Yeah. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi?